Page 115. Activité 5. Piste 103. A. La piscine. B. La boulangerie. C. Le cinéma. D. Le restaurant. E. Le supermarché. F. La pharmacie.